Bonsoir, bonsoir, Radio Radio 106.8, jeudi soir 21h, c'est vraiment autre chose. Vous entendez derrière moi le sémillant Captain Tarte aux Pommes, signé Jean Cohen Solal, qui est notre générique quand nous sommes en hors-série. Nous sommes en hors-série, ce soir c'est au pied de la lettre, numéro 2, tentative d'exploration de la Nurse with One List. Une tentative d'exploration qu'on avait commencé déjà la semaine dernière pour notre premier au pied de la lettre. Alors, petite rapide mise en situation, qu'est-ce que la Nurse with One List ? Eh bien, ça, l'histoire se passe en 1978, quand sort le premier album du groupe Nurse with One, Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella, album qui restera dans les annales et qui marquera l'histoire de la musique, non seulement par son contenu, parce que c'est un groupe qui pose les bases d'une musique dark, indus, expérimentale, no wave, beaucoup de collages, un groupe qui reste à l'heure actuelle une référence, et aussi par son contenant, parce que cet album contient une liste de 246 influences qui ont influencé les musiciens. La liste, elle s'augmentera dans leur deuxième album pour arriver à 291 noms, puisqu'on a affaire, les musiciens de ce groupe, et Steven Stapleton en tête, sont des fondus de musique expérimentale et ont passé 8 ans de leur vie chez les disquaires à Londres, et même dans toute l'Europe, comme nous précisait Nico, pour voilà, qu'est-ce qu'il y a d'expérimental, qu'est-ce qu'il y a d'avant-garde, découvrir le plus de musique possible. Ils ont fait un énorme travail de collecte, si j'ose dire, pour publier cette liste qui, avec le temps, est devenue une référence, est devenue un espèce d'eldorado des collectionneurs. Il faut retrouver les disques de la Nurse with One List, les bacs des disquaires. Du coup, il y avait des onglets Nurse with One List. Certains albums ont été réédités parce qu'ils avaient fait partie de cette liste, qui aura permis notamment de sortir pas mal de groupes obscurs de l'ombre et de leur donner de la lumière. Et c'est cette liste qu'on a décidé d'attaquer à bras-le-corps avec l'équipe de Vraiment Autre Chose dans ces hors-séries au pied de la lettre. On avait commencé par la lettre A et on est toujours sur la lettre A ce soir. Et je suis accompagné dans les studios par deux tenants de la lettre A aussi d'ailleurs, à savoir Guénolé et Inès. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut tout le monde. Et nous avons aussi en direct de Bruxelles Nico de Radio Panique. Bonsoir Nico. Bonsoir tout le monde. Et ben voilà, je crois que la base est posée. Ce soir, on va parler de musique, on va écouter du punk, on va écouter de l'expérimental, on va écouter du no wave, on va écouter du krautrock, on va écouter du psyché, on va écouter pas mal de sons différents, et pour notre plus grand plaisir, et c'est Guénolé qui va démarrer. À toi, camarade. Oui, on avait dit qu'on allait commencer par mettre directement la première chanson de Hamson, Seventh Time, Okay, Just Want to Say. Allez, c'est Hamson qui démarre à la playlist de ce soir pour ce numéro 2 de Au pied de la lettre. Thank you. Rebonsoir tout le monde. Donc nous venons d'écouter la chanson Seventh Time Kale Just Want to Say du groupe Âme Son, donc un groupe français, donc âme comme l'âme et son comme le son que nous venons d'entendre. Donc vous avez pu apprécier le jeu de mots Âme Son, on peut dire aussi l'âme son. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez bien mordu, mais moi j'ai ça a fait tilt chez moi quand j'ai écouté cette chanson il y a quelques jours. Donc un groupe français, je disais. Assez succinct dans le temps, de 69-73 en gros. Même si les musiciens ont eu des vies en dehors de ce groupe, avec d'autres groupes. Et notamment le chanteur, batteur, Marc Blanc. Je vais citer que son nom parce que voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Je dirais juste un name dropping par groupe. Voilà, c'est ma résolution pour ces hors-séries. Donc Marc Blanc, qui voilà, donc qui a la particularité d'être batteur et chanteur. Donc voilà, moi j'ai pu voir une petite correspondance dans sa voix avec un certain autre batteur et chanteur. Enfin, en tout cas, une petite voix à la Robert Wyatt, un peu haut perché, comme ça, c'est assez douce, assez... voilà, que j'ai bien aimé. Et du coup, ce Marc Blanc, donc après avoir... Après avoir terminé un premier groupe, il a rencontré David Allen, qui est de Soft Machine. Et du coup, ils ont formé, pendant la période française de David Allen, un groupe qui s'appelait Banana Moon. Et voilà, puis après David Allen, il allait s'apprêter à créer Gong. Et du coup, voilà, Marc Blanc, il s'est lancé sur son propre groupe, donc Âme Son. Donc, il n'était pas tout seul, hein, ils sont quatre. Il y a notamment donc un guitariste aussi, un bassiste et un flûtiste. Quoi. Donc, c'est assez intéressant ce mélange de flûte qui chantonne, qui claironne comme ça, avec une guitare qui est plutôt un peu rock indé, assez contemporaine, on va dire, de maintenant. Mais voilà, moi j'ai bien aimé ce savant mélange. Et voilà, donc une pochette aussi que j'ai bien aimé, qui fait penser aussi à un petit rock pochette un peu comment dire très très succincte, voilà, une espèce de cadre blanc avec une petite pochette au milieu, une typographie sans majuscule en noir avec des guillemets pour introduire le nom de l'album qui s'appelle Catalyse. Ça fait c'est mon frère qui écoute pas mal de groupes indé comme ça et j'ai souvent vu ce genre de pochette. Je sais pas si ça vous parle. Et qui fait pas, pour moi en tout cas, qui fait pas penser à cette époque. Et voilà, donc un groupe qui m'a vraiment marqué. Donc le flûtiste et le gratteux donc, sont assez portés sur l'impro pendant les chansons. Tandis que voilà, il y a plus l'assise basse-batterie qui peut être assez, un peu garage. Hein. C'est peut-être le son qui prête à ça, je ne sais pas. Et voilà, et puis je sais pas si vous avez envie d'intervenir, les amis, les copains, les copaines. Sinon, on pourrait enchaîner sur la chanson suivante qui est un peu différente, qui est un peu plus une balade. Une balade donc, qui s'appelle Reborn This Morning on the Way Off. Trois petits points, Unity. Thank you. Et donc voilà cette petite balade pastorale, voilà, où les fleurs, les pâquerettes étaient présentes. Voilà, on était dans un petit champ, on en parlait avec Inès en off. Donc cette chanson Reborn This Morning on the Way of 3 petits points Unity. La fin m'a étonnée. Il y avait un truc, un truc un peu psyché, même un peu expé en termes de son de guitare. Où ça s'est emballé d'un coup alors que ça fait 5 minutes qu'on est en train de se balader et d'un coup on fait ok, on est en train de s'arrêter pour regarder un truc quoi. J'ai vraiment eu cette image là. Ouais. Groupe assez intéressant, merci Guénaud pour la découverte. Voilà donc groupe français d'Île-de-France, je crois que je ne l'ai pas dit. Et voilà, ils ont fait un second album que je n'ai pas encore écouté, mais à creuser. Donc voilà, à vous. les studios. Ouais, du reste, je crois que pour creuser, ça s'écoute sur Bandcamp. Et puis, je crois savoir que cet album a été réédité assez récemment. Enfin, comme je l'avais déjà expliqué à la dernière émission, les groupes présents dans la Nurse With One List, bah, y en a pas mal qui ont été réédités rien que du fait d'appartenir à cette liste. Et du reste, pour ce qu'on vient d'entendre, effectivement, ça mérite d'être réédité et de retomber dans les oreilles, ce type de son. Je suis d'accord avec ta description, c'est très wyattien, il y a un petit côté, effectivement, le jumelage avec Gong. Enfin, on voit que ce sont ces univers-là, là, cette espèce de jazz improvisé avec une très forte consonance pop. Très agréable, en effet. Voilà, pour commencer, ce second hors-série de, au pied de la lettre. Tentative d'exploration de la Nurse With One List. On dirait le nom d'une thèse, c'est génial. Ben, au pied de la lettre A, on va rester sur la lettre A. Je vais vous parler maintenant de Anal Magic and Reverend Dwight Frizzle. Je vais surtout vous parler du révérend Dwight Frizzle, parce que quand on tape Anal Magic sur Google, on tombe sur des choses certes intéressantes, mais qui seraient plus intéressantes dans un cadre privé qu'à la radio. Mais... Dwight Frizzle est né à Independence, dans le Missouri. Il est musicien, réalisateur de films, docteur en métaphysique et aussi, c'est notable, minister, c'est-à-dire pasteur, prêtre, à l'Universal Life Church, qui est une organisation religieuse évangélique, qui a la particularité qu'en fait, il suffit de le demander et on peut devenir minister de cette Universal Life Church. Certains musiciens connus sont Minister of the Universal Life Church, George Harrison, John Lennon, Alanis Morissette, Vanilla Ice, voilà, pas mal de... Ah oui, c'est assez WTF, mais du reste, je suis allé voir sur le site, j'étais très curieux de cette Universal Life Church. Ben, en fait, on peut devenir minister comme ça en s'inscrivant sur le site internet. Par internet, et hop, on peut par exemple célébrer un mariage. Voilà, c'est quand même assez pratique. Il y a plein de séries américaines ou de films américains où il y a souvent ce petit dénouement où la personne qui devait organiser la cérémonie de mariage n'est pas là, le pasteur n'est pas là, et du coup, il y a le copain ou la copine qui va sur Internet et qui devient minister en 2-3 clics. Oh là là, les États-Unis. Bah voilà, du coup, ça a peut-être donné une vocation à certains d'entre nous. Après, rien de très très religieux dans la musique de ce groupe-là. Anal Magic and Reverend Dwight Frizzle sort un seul album, Beyond the Black Crack, en 1976. Album sur lequel je me suis penché et qui est tout à fait digne d'intérêt et d'écoute. Album à double face. Une partie a été enregistrée en 1974 en live. Donc là, on est sur une espèce de free jazz un peu foufou qui peut faire penser à Zappa par exemple, quoi, des choses assez envolées et plutôt joyeuses. Et il y a aussi tout un travail de field recording, c'est-à-dire d'enregistrement de sons à des endroits divers et variés, dans des usines. Il y a quelques morceaux qui ont été enregistrés dans une petite pyramide, dans un parc pour enfants, face au cimetière où est enterré Harry Truman, l'ancien président Harry Truman, dans cette ville. Voilà pour les petites anecdotes. Et c'est un gros, gros travail en fait, de montage, de collage. Et là, on peut imaginer que on parle de cassette à bande et on y va au ciseau. On coupe, on recolle, et c'est un travail assez formidable. Et donc, c'est donne un album qui a plusieurs couleurs. On va commencer par écouter un titre qui s'appelle Get It Out of Your System, qui pour le coup est enregistré en live, et là on est sur une espèce de free jazz assez foufou. Et puis je vous reparlerai un peu de cet album par la suite. Allez, c'est parti, Get It Out of Your System, donc de Anal Magic and Reverend Dwight Frizzle, tiré de l'album Beyond the Black Crack. Second big number. This was written especially for the Chili Supper, and it's called Get It Out of Your System. That's exactly what it's about. This is a jazz number. Thank you. Get It Out of Your System. Donc c'était Anal Magic and River Dried Frizzle à l'instant sur Radio Radio. Ouais, donc ce titre fait partie de ceux qui ont été enregistrés en 74 en live. Pour le reste de l'album, comme je vous disais, il y a beaucoup beaucoup d'expérimentations sonores, de field recording. Ce qui fait un album qui est hyper plaisant à l'écoute, un espèce de voyage et très, comment dire, il y a vraiment deux faces, quoi. Vraiment deux faces différentes. Les morceaux live ont cette couleur-là, là que vous avez entendu. Alors que pour le reste, et surtout la face B de l'album, qui s'appelle Turtle Music, et qui est, je dirais, un voyage méditatif autour de la condition de la tortue. Cet album est dédié aux tortues, notamment. Il y a beaucoup de remerciements. On retrouve Robert Desnos, par exemple, Max Ernst, et toutes les tortues du monde entier. Ils sont remerciés dans cet album parce qu'elles ont permis la création de cette musique-là. Cet album, donc enregistré entre 1974 et 1976, il sort en 1976. Il sort en 200 copies seulement. Donc encore une fois, c'est assez épatant que Stephen Stapleton soit arrivé à tomber sur une de ces 200 copies pour faire rentrer ce groupe dans sa liste mythique. Ce qui a permis, bien sûr, comme je l'ai déjà dit pour beaucoup de groupes, une réédition de l'album. Vous pouvez sur Bandcamp acheter cet album, en écouter, je crois, deux morceaux, si je ne m'abuse. Il suffit de taper Anal Magic and River and Dried Frizzle. Il y a notamment le morceau d'ouverture qui est hyper, hyper intéressant, que vous pourrez réécouter par ce biais. Non, juste une petite question par rapport au truc de Bandcamp. C'est vrai que j'ai pas pensé aller sur Bandcamp pour voir, vu que c'est des groupes qui sont anciens. Il y a un tag du coup sur Bandcamp, tag Nurse With One List ou pas? Je ne saurais te dire. Je t'avoue que j'ai recherché des infos sur justement ce Anal Magic et je suis tombé sur ce Bandcamp. Donc j'ai vu qu'on pouvait acheter l'album numérique pour 7 livres sterling et qu'on pouvait écouter le premier morceau et le cinquième. Par contre, au niveau des tags, je ne pourrais hélas pas te répondre. Tu me poses une bonne colle. En tout cas, cet album sort en 1976. Que dire de plus? Tiens, on parle souvent de pochette. La pochette, là, elle est en noir et blanc. Elle représente une entrejambe dont tombent trois musiciens dont la tête est découpée. Enfin, trois individus dont la tête est découpée. Un peu comme si c'était ils tombent comme si c'était des étrons, on va dire, hein, très clairement. D'où le Anal Magic, d'ailleurs. Enfin, on peut toujours imaginer. Les trois musiciens principaux, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils font. Dwight Frizzell est au sax ténor, à la clarinette, mais aussi à l'oscillateur audio, à la chaise, à la poubelle, aux épingles et au soja. Mike Roach, lui, est à la clarinette, au sax ténor, à la voix, mais aussi au rire et à la danse. Et Kurt Eckard est à la flûte, aux percussions, aux épingles, à l'altération et lui aussi au soja. Donc voilà, si on rajoute donc tous ces instruments, toutes ces choses qui deviennent instruments, rajoutées avec tout le travail de field recording de Dwight Frizzell, ça donne vraiment des moments assez fous de musique concrète, contemporaine, si j'ose dire, notamment dans cette partie Turtle Music. On va s'en rendre compte en écoutant le deuxième morceau donc de cette phase B, donc cette histoire de tortue. Ce morceau s'intitule Pre-Transformation of Turtle to Bird, donc pré-transformation de la tortue à l'oiseau. Et là, vous allez voir, musicalement, on est vraiment dans autre chose. Thank you. Transformation d'une tortue à un oiseau, c'est le nom de Pre-Transformation of Turtle to Bird. C'est le nom du titre qu'on vient d'entendre de Anal Magic and the Reverend Dwight Frizzle. Donc là, on est sur la phase B de toute cette histoire, toute cette phase B qui est dédiée aux tortues, qui se termine par un chouette morceau avec deux sax en polyphonie, avec des très très belles sonorités. Vraiment un album voyage, vraiment qui fait passer, comme vous l'avez entendu, donc vraiment d'un son free jazz un peu festif à des expérimentations plutôt absconses, mais qui marche vraiment bien. Ça fout un peu dans un état méditatif, quoi. Vraiment, t'es posé et huit, ça s'enchaîne, ça coule, c'est... J'ai vu des tortues, perso. Ouais, moi, on les entend, ouais. On entend les tortues. Bah, de toute façon, cet album-là leur est dédié. Que dire de plus ? Non, Guéno, il n'y a pas de tag... j'ai vérifié, donc il n'y a pas de tag Nurse With Wand sur Bandcamp, donc il va falloir chercher individuellement. Ce qu'on va faire, nous, c'est que sur le blog de Vraiment Autre Chose, on vous mettra... on écrit les playlists, on vous mettra les liens à chaque fois qu'il y a moyen d'écouter cette musique gratuitement sur Internet. Du reste, tous ces albums-là, il y a des gens qui les ont mis sur YouTube en entier, qui avait les droits ou pas, je sais pas, mais en tout cas, si vous êtes vraiment curieux, vous voulez creuser, bah hésitez pas. Cet album-là, il vaut vraiment le coup. Par la suite, bah, ce groupe n'a sorti que cet album-là, Dwight Frizzle. Par la suite, je suis tombé sur des vidéos live dans les années 90, de choses beaucoup plus jazz, beaucoup moins expérimentales, on va dire, voilà. Mais en tout cas, ce Beyond the Black Crack vaut carrément le coup d'oreille et qu'on s'y arrête. On va remercier donc Stephen Stapleton d'avoir mis l'accent, d'avoir mis son doigt sur ce groupe-là pour nous obliger d'en parler. Stephen Stapleton et son comparse qui était aussi l'ingénieur du son, si je me souviens bien, qui était aussi un gros digger de disques et tout ça, quoi. Ce qu'on raconte très bien dans l'émission précédente que vous pouvez écouter sur le blog de Vraiment Autre Chose en tapant Vraiment Autre Chose haut et fort, tout attaché, et voilà, ou sur les Mixcloud de Radio ou de Vraiment Autre Chose, on peut réécouter cette émission là mais oui, tu as raison, il y a ces deux musiciens de Nurse With Wound qui étaient férus collectionneurs et ils se sont même chamaillés pendant 6 mois pour savoir quel groupe aurait le droit d'être sur la liste, quel groupe n'aurait pas le droit d'être sur la liste, et leur chamaillerie d'ailleurs ont fait que il y a eu un second rajout d'une quarantaine de groupes dans les années 80 pour le deuxième album de Nurse With Wound. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce Anal Magic fait partie de la deuxième fournée de groupes de la liste. Allez, Inès, à toi la parole. Ah, c'est à moi. Bon, je suis très contente d'être là. C'est ma première émission sur ce hors-série autour de cette liste. Je suis très contente pour une bonne raison, c'est que moi, le rock prog et les musiques des années 70, je m'y connais pas du tout. J'avoue que je m'y suis jamais intéressée parce que je sais pas, j'y voyais pas grand intérêt. Et Manu m'a envoyé plein d'albums pour faire cette émission, je crois qu'une bonne quinzaine. Et il me demande de choisir deux groupes et je tombe sur des sons que je connaissais pas et en même temps qui me rappelaient plein d'influences qu'on écoute aujourd'hui. Et j'ai choisi deux groupes. Le premier, je vais vous parler de Ashra Temple, qui est un groupe qui a commencé sa carrière en 73. C'est un groupe allemand qui a été fondé par Klaus Schulz, qui a la batterie au clavier, qui quittera le groupe assez vite l'année d'après, qui est accompagné de Manuel Gottschinken à la guitare et de Hartmut Enk à la basse. Et en 73, il compose un album qui s'appelle Seven Up, en collaboration avec le psychologue Timothée Larry. Et c'est un album en deux faces, donc c'est un vinyle, face A et puis face B. Là, on va écouter la face B, une partie qui s'appelle Time. On est sur du krautrock, style de musique que je connaissais absolument pas. Donc de rock un peu une sous-branche du rock prog qui vient d'Allemagne de l'Ouest et qui m'a touchée parce que ça me fait écho à mon post-rock, le post-rock qui a bercé mon adolescence et le rock psyché qui m'a permis de fumer beaucoup de choses quand j'avais 16 ans et de prendre conscience du monde qui nous entoure. Et cette partie-là, elle a quelque chose de très imagé, quelque chose de réflexion en même temps. Du coup, ça m'étonne pas tellement qu'ils aient composé ça avec un psychologue. Il y a quelque chose de réflexion sur soi-même, des images qui viennent. Il y a plusieurs faces très particulières. Il y a des montées qui sont très clairement... qui me font penser directement à du post-rock, des longues montées en guitare, des moments où ça parle. Et ça me fait penser à un album extrêmement connu de Godspeed You Black Emperor, qui est un groupe de post-rock qui a commencé sa carrière en 95. Donc en fait, tout ça, c'est lié et je suis assez contente d'explorer cette liste-là parce que ça me permet de faire des corrélations et de comprendre les relations qu'il y a entre les styles de musique. Donc on va écouter... Pour comprendre un peu mieux, on peut aussi préciser que Timothy Leary, en dehors d'être psychologue et écrivain, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le LSD, qui a promu le LSD, qui a fait des recherches, qui fait partie de cette frange de savants qui pensaient que le LSD était allait devenir un élément indispensable à la recherche, en fait, parce que justement ça ouvre l'esprit, comme tu l'as dit toi-même. Ça peut donner aussi un autre mode d'écoute justement pour la musique de Ashra Temple. Et du reste, puisqu'on parle de sa prime jeunesse, je sais qu'il y a des... il m'est arrivé de m'approcher de petits timbres de LSD qui portaient le nom de Timothy Leary. Il a carrément donné son nom à des... Voilà, maintenant on gobe des timbres Timothy Leary et après on voyage en écoutant du Ashra Temple par exemple. Bah ouais, c'est un groupe qui est vraiment lié à cette drogue-là en vrai. Notamment, il y a une anecdote... du bassiste Hartmut Hink qui fait un bad trip pendant un concert de LSD et suite à ce bad trip il arrêtera sa carrière carrément. Donc, il y a vraiment un truc lié à cette drogue là et à cet imaginaire qu'on peut se faire. Donc je suis assez contente de vous faire écouter cette phase B qui dure une vingtaine de minutes, mais c'est le moment de se poser un peu et puis de voyager. Welcome to the Time Show. Thank you. Thank you. So beautiful. Allô ? Il est 22h10. Vous êtes sur vraiment autre chose ? Et on vient tout juste d'écouter la face B du vinyle 7-Up du groupe Ashra Temple. Un morceau qui s'appelait Time, qui nous a mis dans un état un peu calme et spirituel. C'était agréable. Serein. Serein, exactement. Nico, t'es là ? Oui, je suis là, je suis là. Je ne suis pas encore endormi, mais c'était un super chouette morceau. Ouais, c'est vachement bien, quoi. Et c'est chouette parce que là, tu as eu une formation, je pense, avec 10-12 musiciens. Et maintenant, on va retourner vers une seule personne. Ouais. On t'écoute, Nico. Ouais, on va maintenant se plonger vers la Finlande. On va écouter un morceau qui vient de Pekka Eräkä. Ouais, c'est un nom imprononçable, mais je vais quand même essayer. Pekka Eräksinen. C'est un compositeur finlandais de musique électronique. Il a fondé en 67 le groupe controversé Sperm, qui figure aussi également sur la liste de North Street Wound. Après la dissolution des formations Sperm, Pekka enregistre encore 2 albums solo avant de se consacrer exclusivement au bouddhisme pendant presque une décennie. Lors de son retour à la musique, il enregistre plus de 100 titres dédiés à l'un de chaque de 1000 Bouddhas. Pekka était une force relativement discrète, mais incroyablement prolifique sur la scène de la musique expérimentale pendant plus de 40 ans. Il nous a quittés au milieu de l'année 2019. Nous allons écouter une pièce qui date d'avant son époque de Bouddha, parce qu'on est encore sur la liste de North Street Wound, et donc ça veut dire que toute la musique doit être avant 79, 60, 80, 80, quelque chose comme ça. Donc le morceau qu'on va écouter vient de l'album One Point Music, et le titre du morceau s'appelle S-Rock, et donc c'était sorti en 72 sur le nom de Pekka Eräksinen. Thank you. Waouh! Il vient de se passer quoi, Nico, là? Ça, c'était Pekka Eräksinen avec un morceau qui s'appelle S-Rock de son album One Point Music. Et c'était aussi le seul album qu'il a créé encore dans les années 72, dans les années 70 tout court. Il a aussi fait un album dans les années 70 avec le formation Sperm. Et c'est vraiment dans les années 80 qu'il est plutôt dans la musique plus ambient et des trucs comme ça. Mais ici, c'est inspiré des drones. Je pense que vous... Je ne sais pas comment on dit ça en français, des drones, ou c'est des bourdons, je pense. Bourdons, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, et je pense que c'est un des premiers, un peu dans ce style-là, qu'il a fait ce type de musique. Mais ça reste toujours un petit voyage. Et comme beaucoup des albums sur une Lunar Tune List, pas toujours facile à trouver. Et de temps en temps, aussi, quand on regarde aussi le Nash Tune List, ça va d'une atmosphère vers une autre, et ça, c'est ce qu'on va faire maintenant aussi. On va y aller vers une formation qui est fondée, qui est plutôt un mélange entre des musiciens d'Hollande et de l'Allemagne, c'est Association PC. Et le PC, c'est l'abréviation de Pierre Courbois, c'est un batteur hollandais. C'était un groupe jouant une combinaison du jazz, rock et de musique d'avant-garde, fondé en 69 par les Néerlandais Jasper Van Hoff au clavier et Pierre Courbois à la batterie. l'allemand Toto Blank aux guitares. Le bassiste variait entre c'était soit le néerlandais Peter Krenen, soit l'allemand Ziggy Busch. L'accent du jazz pur est plutôt en arrière-plan lorsque Jasper Van Toft quitte le groupe. Le rock progressif est devenu plus important une fois que Joachim Kuhn est devenu le nouveau claviériste. En total, ils ont réalisé 5 albums entre 70 et 74, avec une configuration à la fin 3 allemands et 1 hollandais. Qu'est-ce qui se passe sur mon écran? Il y a quelque chose qui a disparu. Et hop, ça revient. Et aussi, il faut savoir que l'ingénieur du son était Connie Plank. Et c'est probablement Connie Plank a probablement contribué au fait qu'il se retrouve sur la Nursery Wound List. Steve Stapleton n'a jamais caché son intérêt pour le Krautrock, sur lequel Connie a mis un grand cachet. On va écouter un morceau de Mama Cuckoo, de live album Mama Cuckoo, qui est sorti en 1974 de la formation Association PT. Thank you. C'était donc Association PC qu'on vient d'entendre à l'instant. Mama Coucou, c'est le nom du titre. Donc on continue notre exploration de la Nurse With One List en compagnie de l'ami Nico. Tu es toujours là ? Non, il n'est plus là. Ah, bah tiens. Il n'est plus là, mais je rassure ses fans, il va réintervenir en fin d'émission. Toujours pour nous faire découvrir un autre artiste. Je crois que cette petite intervention d'Outre-Quiévrain nous ramène vraiment à nous rendre compte à quel point cette liste nous amène à des sonorités qui n'ont rien à voir parfois les unes avec les autres, là, de passer de cette musique électronique de Pekka Häyrä-Sinen à ce kraut, bon vieux krautrock. Là, pour le coup, vraiment, là, ce qu'on vient d'entendre, pour moi, c'est du bon vieux krautrock, ce côté un peu blues, rock, des petites consonances africaines de temps à autre. Ah ouais? Au début, en tout cas, dans la première partie de la chanson. Elle est quand même vachement plus typée jazz, où on disait typiquement que c'est des sonorités qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, en fait, sur des groupes de jazz ou d'expérimentation de jazz. Moi, j'ai vraiment eu écho, ça m'a fait écho à ça pour cette deuxième partie de morceau. Ouais, carrément. Donc, ouais, sur d'autres longueurs d'onde, pas forcément sur 106.8. Bonsoir. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'appelle un peu de la musique à fumer, quoi. C'est cool, on est posé, ça se trimballe tout seul. Pas pour Pekka Häyrä-Sinen, hein, parce que pour le coup, j'aurais eu du mal à voir. La musique à sniffer. Ouais, plutôt, voilà, c'est ça, voilà. On parlait à une époque, là, dans vraiment autre chose, des accords vin et... Enfin, des accords alcool et musique. Qu'est-ce que tu conseilles de boire en écoutant ça? Alors, pour le coup, Pekka Häyrä-Sinen, je pense qu'il vaut mieux pas avoir fumé, mais effectivement, un petit truc qui énerve, ça peut passer. Alors que là, Association PC, enfin, moi, personnellement... Un petit vin rouge, hein. J'aime bien ce type de sonorité. Enfin, ça fait voyager, et c'est bien chouette. Guinoulé, c'est à toi la parole. Oui, alors je vais... vite fait, vous introduire ce groupe, donc qui fait toujours partie de la Nurse With One List au niveau de la lettre A. Donc c'est un groupe suédois, comme la dernière fois. Il s'appelle Algana Stradgard. Donc je ne sais pas si l'espèce de tréma avec des ronds en suédois, je ne sais pas si ça se prononce E ou A. Donc, veuillez m'excuser. Donc, voilà, c'est un groupe suédois. La traduction de ce terme veut dire jardin des élans. L'élan comme l'animal, pas comme le pied en arrière, quoi. Et donc, cet album est sorti en 1969. Je me suis permis de ne pas vous dire le nom de l'album parce qu'il est trop long, il est trop compliqué. Il est en suédois. Et donc, je vous promets la prochaine fois de faire des efforts avec Google Trad pour ça. Et du coup, c'est une grosse formation donc, où il doit être entre une douzaine, une quinzaine de musiciens. Donc, du gros rock-prog. La particularité, en tout cas, moi qui me semble, c'est que, ou ce que j'ai lu en tout cas, c'est qu'il y a du violon, du violoncelle, et qui était... Allez, peut-être pas si commun, enfin, en tout cas peut-être le violoncelle, donc il y a du clavier aussi, du sax, il y a la batterie, il y a des guitares, enfin il y en a pour tout le monde, on va dire. C'est assez cosmique, il y a un côté quand même pareil dans le folklore suédois, un peu comme le groupe de la fois passée. Et là un peu une espèce d'initiation incantatoire, où ça vous amène à vous transcender, en fait, une espèce de transcendance qui pourrait vous amener. Et alors, je sais pas, moi, j'ai trouvé les termes champêtre, prog ou pastoral psyché, en tout cas pour cette chanson, parce que toutes les chansons ne sont pas comme ça. Et cette chanson a un nom à rallonge, un peu comme la chanson, même si c'est une petite rallonge, c'est qui dure 13 minutes 13, d'ailleurs, je crois que, si je ne me trompe pas, Manu. Ouais, donc, il faut vraiment pas être atteint de triskédécaphobie pour écouter. Ouais, voilà. C'est dommage qu'elle dure pas 13 minutes 12, mais bon, ça, on en reparlera. et voilà. Donc, et puis, un petit côté aussi qui revient dans le Moyen-Âge, un peu médiéval. Mais dans les mélodies, dans les thèmes, quoi. Et à certains moments, quoi. Et j'ai lu, par exemple, enfin, en tout cas, que on en parlait tout à l'heure de post-rock avec Inès, que bah, voilà, ce côté un peu violoncelle, violon, qui est très présent dans Godspeed You ou Black Emperor, voilà, aurait pu être, enfin, toutes les suppositions sont là pour, aurait pu être une influence, en tout cas pour ce groupe, enfin, pour Godspeed. Et du coup, je vais vous livrer le nom de ce titre. Alors, ça s'appelle « 2 hours over blue mountains with a cuckoo on each side of the hours ». Trois petits points, ça tease. Thank you. Donc voilà, nous venons écouter le morceau de Alganars Trakgard, un groupe suédois des années fin 60, début 70. Avec cette chanson, je vous donne une fois de plus le titre à rallonge. Tours over Blue Mountains with a cuckoo on each side of the hours that is. Donc voilà, juste je voulais faire un petit point sur la pochette d'album. C'est vrai qu'à la première émission, Nico, à très juste titre, nous avait rappelé l'ambivalence de Stephen Stapleton par rapport à son art, qui n'était pas juste au niveau de la musique, mais aussi au niveau graphique, vu qu'il avait un autre pseudo. Et du coup, voilà, on va essayer de s'évertuer aussi à penser aux pochettes et pas juste à penser à la musique. Bon, c'est vrai que pour vous, c'est plus compliqué de l'entendre. Du coup, il va falloir faire des petites recherches. Mais du coup, la pochette de l'album me fait penser vraiment à un truc de Dali où c'est très surréaliste et les planètes sont en bas, c'est de très belles planètes. Le ciel fait penser à une terre morcelée et au milieu, vous avez deux, trois personnes assises comme ça sur la terre ferme. Enfin bref, c'est un surréalisme totalement déluré, enfin pas déluré, mais en tout cas délirant plutôt. Et voilà, qui me faisait penser à du Dali, mais vraiment à une œuvre de Dali, quoi. Il y a vraiment un truc dans les musiques suédoises et scandinaves sur le rapport à la terre et à l'environnement et à la nature. Ça se retrouve énormément dans les pochettes. Moi, j'écoute beaucoup de musique traditionnelle scandinave, notamment suédoise, et de pagan folk, qui est un type du coup de musique qui est dérivé de ces musiques traditionnelles. Et des années 70 à encore maintenant, il y a un rapport extrêmement présent à la terre et dans l'esthétique, il y a vraiment ça. Et typiquement, le morceau qu'on vient d'écouter, qui est absolument magnifique, moi, je suis très très fan de ces sonorités-là. Il y a vraiment quelque chose où, de planant, on a l'impression de se promener parmi des montagnes, des rivières, il y a un truc imagé super fort et un truc de parcours et de balade, de randonnée, quelque chose comme ça. C'est de la religion de la terre, quoi, et de l'eau, et du ciel, des rivières, c'est le paganisme, quoi. Enfin, tu sens bien qu'ils sont juste empreints des éléments de la terre qui les font virer dans un ordre un peu cosmique, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est assez ouf parce que dans ces musiques-là, il y a un rapport à la croyance et à la musique où la musique vient appuyer des croyances. Typiquement, il y a des rites qui se font assez souvent, en tout cas dans les croyances paganes. Où on vient célébrer des éléments de la nature, on vient célébrer des choses dans le rituel. Et ça se retrouve. Il y a un rapport vraiment entre croyance et musique qui est très très fort. Et qui se ressent beaucoup, typiquement là, dans le morceau qu'on vient d'écouter. Il y a quelque chose de rituel. Il y a des boucles qui sont là. Mmh. Et il y a un changement d'état qui se fait. Et c'est pour ça que je les trouve très intéressantes et que je suis assez fan des groupes suédois dans tout le large spectre de la musique, quoi. Parce que quand on va dans le métal, c'est à peu près la même chose, ça revient à ce rapport-là de croyance et de nature et d'éléments. Ouais, moi j'aurais tendance à dire spiritualité plus que croyance, oui, mais c'est parce que le mot croyance est galvaudé et que du coup croyance est toujours référé à la religion et spiritualité et plus à l'ordre, enfin plus ouvert, oui. mais bon... On comprend bien tes propos, Inès. En tout cas, moi, je les comprends pas forcément. Cet album de Alganars Trakgard, je vais le tenter. Le nom de cet album, c'est Framtiden är ett svävande skepp förankrat i fortiden, ce qui signifie « Le futur est un vaisseau planant ancré dans le passé ». Et je trouve que moi aussi j'ai vraiment adoré ce morceau que tu viens de nous faire découvrir. Et je trouve que ça rime bien. Il y a ce côté un peu futuriste qu'on entend surtout vers la fin, là, avec des expérimentations sonores et des petits sons de mélotron et tout, hyper agréable. Et puis ancré dans le passé parce qu'il y a vraiment, on sent le côté trad trad dans cette musique. Il y a des groupes qui viennent de Suède, Finlande, de Russie, c'est pareil, on entend un son un peu formaté. Là, ouais, là les racines, voilà, là on sent bien les racines de la musique de ce groupe-là. J'ai beaucoup apprécié aussi ce titre, merci et, beaucoup. Il y a un enregistrement de sacrée qualité. Je trouve que la qualité du son aussi est assez balèze. En tout cas, peut-être l'ingénieur du son ou le master, tout ça, était bien exécuté. Et du coup, peut-être que Manu, on va te laisser la parole. Ben, pourquoi pas. Alors, si vous me laissez la parole, je la prends. On va passer à Annexus Quam. C'est du latin, mais c'est un groupe allemand formé en 1967. Ce sont des gens qui se sont rencontrés, pour la petite anecdote, dans un brass band religieux et qui ont décidé de former leur propre musique. Et leur musique évolue, ils trouvent leur propre son et finissent par changer de nom. Donc au début, ils s'appellent Ambition in Music, ambition dans la musique, et puis finalement deviennent, quand ils ont un peu trouvé leur son, deviennent Annexus Quam. C'est du latin, comme je vous le disais, et ça veut dire en gros connexion, ou comment se connecter, en gros. Et ça exprime assez bien leur musique, c'est une musique très, très unitaire, ils sont 7 sur cet album-là. Par la suite, sur le deuxième album, ils seront plus que 5. Là, ils sont 7, mais vraiment au service d'un propos très collectif. Donc, l'album dont je vais parler s'appelle Osmose. Il est sorti en 1970 sur le label Or. Alors, c'est le même label qui a publié l'album de Ashra Temple et Timothy Leary, dont Inès nous a fait écouter un extrait tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Timothy Leary qui a entendu une démo de ce groupe et qui a appelé son copain du label Or en disant « Franchement, tu devrais sortir ça, c'est vraiment très bon. » Et il a bien raison, c'est vraiment très bon cet album Osmose, donc composé de 4 morceaux qui s'appellent Osmose 1, Osmose 2, Osmose 3 et Osmose 4. Et quand on se pose et qu'on écoute, on ne devine même pas la césure entre les morceaux, hein. C'est une espèce de longue suite improvisée. On est sur du krautrock, on va dire, parce que ce sont des Allemands, donc c'est peut-être un peu facile de dire ça, parce qu'au niveau des sonorités, ça se rapprocherait peut-être plus d'un Pink Floyd, d'un early Pink Floyd des années 60 à 70, ce côté un peu space rock dont tu parlais la semaine dernière, Guino, par rapport à je ne sais plus quel groupe. Voilà, on est vraiment dans un beau voyage. C'est un album qui a été enregistré en 2 jours, une musique totalement improvisée. Improvisé certes, mais pas libre. On sent vraiment qu'ils savent à peu près où est-ce qu'ils veulent aller. Un jazz rock progressif planant. Bon, là pour le coup, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est vraiment de la musique à fumer. On se pose, on écoute et c'est 35 minutes qui coulent toutes seules, vraiment dans les oreilles. Très très agréable. On a eu ce soir et on aura au fil de ces Au pied de la lettre, on va rencontrer des sonorités un peu grinçantes dont on n'a pas trop l'habitude et qui peuvent un peu nous perturber l'oreille. Alors là sur ce coup-là, pas du tout. C'est vraiment très facile d'écoute, ce groupe là de la liste, j'ai presque envie de parler de easy listening parce que vraiment ça coule tout seul, c'est hyper agréable, c'est une très belle expérience que d'écouter cet album là, Osmose. J'ai poussé la recherche jusqu'à écouter leur album suivant qui est un petit peu moins intéressant parce que vraiment il y a une césure entre certains morceaux expérimentaux et d'autres morceaux plutôt en couleur jazz rock. Là, c'est le déroulé, le fil de l'histoire qui va nous amener vers des choses plus expérimentales sur les morceaux de la fin. C'est pas cela que j'ai choisi, désolé. J'avais vraiment envie de qu'on rentre ensemble dans cette ambiance. Donc on va s'écouter d'affilée les 2 premiers morceaux de cette suite. Donc Osmose 1 suivi de Osmose 2. Voilà. Rien à rajouter de plus. Posez-vous. Roulez-vous-en un si jamais. En tout cas, voilà, un petit voyage de 8 minutes presque là sur les 2 morceaux qu'on va s'écouter. Et si le voyage va vous paraître un peu trop court et que ça va couper un peu abruptement, bah, tout ça s'écoute très facilement. Enfin, j'ai trouvé des liens sur YouTube notamment où l'album est en entier. Et ça vaut carrément le coup d'oreille. C'est pas... c'est pas l'album du siècle, c'est pas quelque chose d'extrêmement mémorable, c'est des sonorités juste hyper agréables et vraiment une belle plongée dans les années 70 que ce groupe. Donc c'est parti, Annexus Quam, Osmose 1, suivi de Osmose 2. Thank you. Quel joli morceau. N'est-il pas? Et je vous prive de la suite, il reste deux morceaux de cet album à découvrir qui sont les plus longs, le troisième fait une dizaine de minutes, le quatrième qui est celui qui va faire le plus de petites déviances vers de l'expérimental mais tranquille, dure 18 minutes et c'est un petit bijou aussi, Osmos 4, ouais. Très très bel album, je crierai pas au chef-d'œuvre ni à l'indispensable, mais c'est vraiment une très très belle expérience d'écoute que de se taper ce Osmos de Annexus Quam. Ouais, donc, ça donne envie de l'écouter en entier. C'est vrai, il y a quand même une certaine fracture entre le premier et le deuxième. Ouais, et en même temps, on reste quand même dans une histoire qui est racontée, quoi. Pour avoir écouté plusieurs fois les quatre morceaux d'affilée, ouais, ça coule vraiment vers au service d'une ambiance un peu post qui explose jamais vraiment, quoi. Ça reste comme toujours quand même assez doux, assez fin et très agréable. Ça ressemble pas forcément à ce que j'aurais qualifié comme étant du crowd rock. Ouais. Plus dans le space, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, ça me fait penser à du bon vieux Pink Floyd. Enfin, c'est... Ouais, carrément, ouais, il y a carrément de ça. Ça me fait penser à un groupe suédois pour en venir à ce pays dont j'aime beaucoup la musique. Il y a un groupe qui s'appelle Goth, qui n'est pas le Goth japonais qu'on aime tant ici, il y a vraiment autre chose, mais un groupe suédois de musique de rock psyché qui, pareil, en tout cas sur le deuxième morceau, tourne de la même manière, de boucle comme ça, avec une voix en fond qui est là pour nous bercer. Et ça me fait penser à ça et c'était très agréable d'écouter ça. Nico, tu connaissais ce groupe-là, Annexus Quam? J'ai déjà entendu te parler, j'ai entendu quelques morceaux à l'époque. Mais je ne fume pas, donc c'est pas toujours facile de rentrer dans leur univers. Bon, alors dans quel univers tu vas nous faire rentrer maintenant? Maintenant, on va rentrer dans un univers qui est un peu minimaliste dans un sens. On va plonger dans l'univers de Gilbert Hartmann, qui a réalisé avec Lord Free des performances diverses. Lord Free est aussi sur le Nursery to Wound List, mais ce n'est pas ce qu'on va en parler aujourd'hui, parce que là, c'est dans la lettre L, donc il faut attendre encore quelques épisodes avant qu'on arrive à Lord Free. Jill Hartman a participé à la réalisation et l'expression de plusieurs formations musicales, Clear Light, Symphonie, Video Aventure, Catalogue, Comintern. Sa recherche en urbanisme sonore va l'amener à l'élaboration du groupe le saxophoniste Urban Sax, le développement, le déploiement du groupe dans des contextes architecturaux différents va croître avec les projets successifs, ceci permettant de jouer à la fois sur le redécoupage du lieu, transfiguration de la réalité et sur la spatialisation de la musique, fondée sur le souffle et la mobilité avec une écriture précise et modulable à la fois. Sur la liste figure le nom de Gilbert Hartmann, qui n'a jamais sorti d'un album solo sous ce nom. C'est probablement une erreur que ce nom figure sur la liste à la place de Urban Sax. Il est probablement pensé à l'époque que le projet mentionnait Gilbert Hartmann, qui appelait son disque Urban Sax 1 et 2. Mais si l'on considère qu'à l'époque, entre 77 et 78, il n'y avait pas beaucoup d'informations à trouver. Il semble que ce soit une erreur. L'album lui-même s'appelle Urban Sax et au dos, il a écrit Gilbert Hartmann, qui est le compositeur de cet album. Donc lui-même, il ne joue pas sur l'album, parce que là, lui est un batteur et pas un saxophoniste, mais lui est le compositeur et le chef d'orchestre. Et donc, c'est aussi une formation que j'ai jamais vue de jouer live, mais j'espère un jour d'avoir l'occasion. Je me souviens encore des images des saxophonistes descendant d'un hélicoptère par le bias d'une corde, des danseurs et des saxophonistes venant de différents coins d'une ville pour aller vers une place centrale. Et là, il y a tout un spectacle autour de ça. Et ça, c'est une chose que j'aimerais un jour de voir, parce que c'est d'un côté de musique pas facile, c'est très minimaliste, et d'autre côté l'aspect de performance. Et on va écouter un morceau qui vient de leur deuxième album qui s'appelle donc Gilbert Hartmann / Urban Sax album 2, et le morceau s'appelle Portrait in E flat minor. Eh ben, on va s'écouter ça de suite, non sans t'avoir salué et encore une fois remercié de participer à cette aventure des hors-séries au pied de la lettre. Et on se retrouve jeudi prochain. Gros bisous. Salut Nico. Salut, bonne soirée, ciao ciao. Allez, c'est parti. Donc, Portrait in E flat minor par le Urban Sax composé par Gilbert Hartmann. Thank you. Waouh, on vient d'entendre Urban Sax, donc c'est partie 3. On vient d'entendre 13 saxophones ténors. Waouh. 8 saxophones alto, 2 saxophones baryton et un saxophone basse. Ah, c'était impressionnant. Carrément, ouais, magnifique. Hein. Je m'attendais pas. Grand merci à Nico. Ouais. À fond, ouais. Donc, c'est un extrait de l'album Urban Sax 2. Et c'était la partie 3, pour être complètement précis. Puisque l'album Urban Sax 1, il y a deux morceaux, partie 1, partie 2. Et là, c'est partie 3 et partie 4. Et on s'est écouté donc la partie 3 in E-flat minor. C'est extrêmement bien maîtrisé. Il y a une montée... Enfin, un truc super écrit. Ouais, je vais un peu dire ça. Mais il y a un truc super écrit, j'ai l'impression, ultra... Enfin, pas dirigé, mais super propre, précis. Parce qu'en fait, avoir autant de saxophones, ça doit demander une rigueur d'exécution assez folle, quoi. Oui, et puis avec un unisson... Enfin, pas un unisson, en tout cas, des harmonies écrites, ou pensées, puis avec une espèce de timbre global. Moi, j'avais l'impression de... d'être, dans un endroit un peu, une espèce de field recording, mais juste les oiseaux sont des sax, en fait. Ah, c'est assez dingue. Mais du coup, il n'y a que des saxophones, c'est ça? Ouais, carrément. Ah, j'avais l'impression qu'il y avait, des machines derrière pour faire un sort de bourdon, de fond. Je suis pas un grand connaisseur de Urban Sax, je t'avoue que c'est une des premières fois que j'en entends, donc peut-être que je dis une bêtise, mais si j'en crois les références qui sont écrites sur l'album, sur cet album Urban Sax 2, il ne s'agit que de saxophones. Il y a aussi des chorus, je cite. Ok. Quelques personnes qui sont chorus, il doit y avoir des voix, peut-être, là je ne m'a pas semblé les entendre. Pareil. Mais peut-être que... voilà. Ah ouais, c'est possible, c'était vraiment impressionnant, quoi. Ouais, grave, ouais. Donc comme l'a très bien expliqué Nico, Gilbert Hartmann est le compositeur, mais ne joue pas, c'est pas un saxophoniste. Le groupe, c'est Urban Sax, donc il aurait dû apparaître dans cette liste à la lettre U. Mais voilà, probablement que Steven Stapleton s'est induit en erreur en voyant le nom du compositeur et du projet. Et, en tout cas... merci à Steve Stapleton de cet visage en erreur, parce que du coup, ça nous permet de découvrir cette musique dès notre numéro 2 d'Au pied de la lettre, et ça, c'est chouette. Très chère Inès, à toi. Bon, bah, je vais conclure cette émission par le dernier groupe que je vais vous présenter ce soir. Groupe qui s'appelle Alternative TV. Groupe qui a commencé sa carrière en 76. Monté par, donc formé par Marc Perry, qui a notamment été connu à la base pour avoir fait le fanzine, je dis pas de bêtises, Sniffle Gle, qui est un fanzine qui a duré extrêmement peu longtemps, mais qui a été monté en 1976 autour de la musique punk, en tout cas des scènes punk. Et en montant ce projet de fanzine, il a très vite monté le projet de Alternative TV, où il sera rejoint par Alex Ferguson. Donc groupe à la base punk, post-punk réellement, et les deux morceaux là qu'on va écouter viennent d'un album qui est fait en 78 qui s'appelle Vibing Up the Gentlemen, qui a rien à voir avec de la musique punk, mais alors pas du tout. Moi quand je l'ai écouté, ça m'a fait penser à de la musique concrète et avec des sonorités un peu de free, quoi, et de musique improvisée. Et du coup, j'étais en mode, mais pourquoi en fait c'est un groupe de punk? Et en fait, c'est assez drôle parce que quand ils ont sorti cet album en 78, ça a été très mal reçu par le public, qui était en mode, mais attends, nous on est venus voir du punk dans une cave anglaise et là vous nous faites du free, enfin c'est quoi votre bordel? Et j'aime beaucoup ces tournants de groupes qui disent, au bout d'un moment, ouais, mais en fait rien à faire, on va faire ce qu'on veut. Et c'est un peu ça aussi, être punk, de dire, mais allez-vous faire. Bon. Et puis, si on a envie de faire du free et des trucs chelous, bah, on va faire ça. Et on va écouter le premier morceau de cet album, qui s'appelle The Release. Oh, attendez, j'ai pas le titre. The Release. Release Natives. Exactement. Et puis, on en parle un peu après. C'est parti. Hold on. What's happening? That's what they all say. Donc on vient d'écouter le premier morceau de l'album Vibing Up the Gentleman du groupe Alternative TV. Et c'est assez drôle parce que moi j'ai beaucoup de mal avec, avec les musiques criées, parlées et avec des fonds. J'ai beaucoup de mal à apprécier ce genre de style de musique. Et en fait là je trouve qu'il y a un rapport instrumental et chant qui est vraiment très bien maîtrisé. Avec une voix qui prend pas trop de place, où il y a une réelle présence des cloches et de ce son-là de pluie qu'il y a en fond. Et il m'a interpellée, c'est le premier morceau de l'album, et du coup il y a un truc de « Oh, j'ai l'impression que t'as envie de me dire un truc et j'ai envie de savoir ce que c'est ». Et j'ai écouté voilà, tout l'album et on va écouter donc le 8e morceau de cet album. Morceau qui s'appelle « Smile ». Attention, est-ce que je l'ai Smile in the day. Smile in the day. Et il porte très bien son nom. Thank you. this room, nothing to do. Look at the wall, think about my head. Cry in the night, smile in the day. Watch all the birds, think about my voice. A story that I can never tell. Thank you. ran out into the street, clutching the music. C'était Alternative TV. Smile in the Day, c'était le titre de ce morceau un peu angoissant et fort agréable. Vous venez d'écouter vraiment autre chose, numéro 163, au pied de la lettre number 2. On était donc dans l'exploration de ce qui se fait dans la Nurse with One List. Derrière moi, c'est la musique de Samlama Masmana, qu'on retrouve habituellement dans les émissions de vraiment autre chose, puisque Samlama Masmana fait aussi partie de cette liste, mais là, c'est la lettre S. Donc, autant vous dire qu'on va pas en parler demain, mais qu'on va bien finir par parler de ces remuants suédois, d'ailleurs. La Suède était très à l'honneur ce soir, les pays scandinaves. On a beaucoup voyagé ce soir, on est passé d'un pays à l'autre, on a écouté beaucoup de sons. Il est temps pour nous de faire le récapitulatif interminable de fin d'émission. Alors, on a commencé, c'est toi Guénou qui a entamé les hostilités, si j'ose dire, avec Hameçon. Exactement, avec Hameçon, donc... De l'album Catalyse, nous avons écouté le premier et quatrième morceau de cet album de 1971 de Île-de-France. Ensuite, on est parti aux États-Unis avec Anal Magique et le révérend Dwight Frizzle. En 1976 sort cet album Crack the Beyond. Et ensuite, on a eu Ashra Temple avec la face B Time du vinyle 7-Up sorti en 1973. C'est Nico ensuite qui nous a fait découvrir Pekka et Raksinen, donc le morceau S-Rock tiré du premier album de Pekka et Raksinen, les prémices de l'électro finlandaise. Ensuite, il nous a amené en Allemagne avec Association PC. On a écouté le titre Mama Coucou tiré de l'album éponyme Mama Coucou. Ensuite, je crois Guénou que c'est toi qui as repris la main à ce moment-là. Voilà, avec le groupe Alganars Tradgard et ce fameux titre qui dure trois lignes. 2 hours over Blue Mountains with Coco on each side of the hours that is. Yeah. C'était ensuite un retour en Allemagne avec Annexus Quam. On a écouté les deux premiers titres de l'album Osmose, donc les titres Osmose 1 et Osmose 2. Nico ensuite nous a amené du côté de la France, de Gilbert Hartmann, le groupe Urban Sax. Et pour finir, Inès. Nous avons écouté le morceau Realize the Native and Smile in the Day de l'album Vibing Up the Saint-Hillman du groupe Alternative TV sorti en 1978. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette numéro 2, donc ce numéro 2 de Au pied de la lettre. On est toujours sur la lettre A, on y sera encore la semaine prochaine, toujours en compagnie de Nico. Je crois que Tony va se joindre aussi à l'aventure de l'exploration de cette liste. Il y a tellement de choses à voir et à dire, on voyage dans tellement de pays, dans tellement de sonorités différentes, c'est vraiment un plaisir. Quelle émission, quelle hors-série incroyable que nous faisons. Et oui, et vu que la période est dans les hors-lieux, hors-sentiers, bah, écoutons cette hors-série. En plus, c'était vraiment une émission sur les univers très différents et sur les nappes un peu planantes. On a eu des morceaux très longs, où il fallait rentrer dans l'univers. Et c'est assez chouette, dans cette période un peu pourrie, de se mettre dans des... De se draper. Dans des capsules, exactement, dans des drapés. Drapons-nous. Eh bien, on va se quitter en se drapant une dernière fois, puisque juste après le générique de fin, je résiste pas à l'envie de vous amener encore un peu plus dans la musique de Anal Magic et le révérend Dwight Frizzle. On va s'écouter le titre qui conclut l'album et qui conclut aussi cette face B qui est donc dédiée aux tortues, Turtle Story. Donc, pour finir, c'est vraiment autre chose sur Radio Radio. On va s'écouter Oh, what joy it is to know you have a turtle heart. Ah, yes. Quelle joie de savoir que tu as un cœur de tortue. C'est un morceau qui Raffaello. Et puis on vous dit au revoir, à la semaine prochaine. Bisous, bisous tout le monde. Bisous à toutes. Passez Bye. Une excellente nuit. Allez, on se quitte avec Anal Magic and Reverend Dried Prison. Thank you.